de toujours s'entêter à penser que demain sera bien pire qu'hier. Qu'on soit gosse ou vieillard, c'est à nous de vouloir. On se bat pas pour rien, non, ça nous permet d'y croire. La vie, c'est vraiment une pute, si tu la laisses faire. Relève la tête, il n'est jamais trop tard pour construire son avenir, se redonner l'espoir. Il n'a rien de pire que de baisser les bras. Si tu veux t'en sortir, il te reste le choix.